Book 2 73 73 73 السماح بعمل شيء Avoir le droit de faire quelque chose Avoir le droit de faire quelque chose هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture? Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool? Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger? Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger? يسمح أن يجوز Avoir le droit, pouvoir. Avoir le droit, pouvoir. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Est-ce que nous pouvons fumer ici? Est-ce que nous pouvons fumer ici? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ A-t-on le droit de fumer ici? A-t-on le droit de fumer ici? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit? Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit? هل يجوز السداد بالشيك؟ Est-ce qu'on peut payer par chèque? Est-ce qu'on peut payer par chèque? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Peut-on payer seulement comptant? Peut-on payer seulement comptant? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Est-ce que je peux téléphoner? Est-ce que je peux téléphoner? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Il ne peut pas dormir dans le parc. Il ne peut pas dormir dans le parc. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Il ne peut pas dormir dans la voiture. Il ne peut pas dormir dans la voiture. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Il ne peut pas dormir dans la gare. Il ne peut pas dormir dans la gare. أتسمح أن نجلس؟ Pouvons-nous prendre place? Pouvons-nous prendre place? أتسمح بقائمة الطعام؟ Pouvons-nous avoir la carte? Pouvons-nous avoir la carte? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Pouvons-nous payer séparément? Pouvons-nous payer séparément?